بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc on va continuer inchallah sur l'explication de ce nouveau chapitre dont on a commencé l'étude dans la dernière allocution hier. Donc on est arrivé à l'étude d'un nouveau chapitre comme on a dit précédemment, et là on est dans l'étude et l'apprentissage d'un nouveau nom parmi les noms sublimes d'Allah, min al-asma al-husna, parmi les noms sublimes d'Allah Jalla wa Ala, Al-Malik. Al-Malik. Donc Allah Jalla wa Ala, comme on l'a appris dans la dernière allocution, parmi ses noms sublimes, le fait qu'il est Al-Malik, on a dit une traduction relative, le souverain, le roi, le maître des hommes. Et on stipule le maître des hommes, puisque l'imam al-Bukhari, en guise d'intitulé et de titre à ce chapitre, il a mentionné le verset 2 de la sourate les hommes, de la sourate An-Nas, de la sourate An-Nas. Et dans le verset 2 de la sourate An-Nas, Allah Jalla wa Ala nous dit Malikin Nas, donc le souverain, le roi des hommes. Et donc on a appris dans ce chapitre qu'Allah Jalla wa Ala est donc le souverain des hommes, il est le souverain du jour dernier, du jour de la rétribution, subhanahu wa ta'ala. Et dans la dernière allocution, dans le dernier cours, donc on a appris le sens de cela. Et on avait appris aussi que l'imam al-Bukhari dans ce chapitre, après avoir mentionné le verset 2 de la sourate les hommes, il a mentionné le hadith de Abi Huraira. Ce hadith immense où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous dit que le jour de la rétribution, Allah ne fera de la terre qu'une poignée. Wa yatwi as-sama, et il pliera les cieux de sa main droite. Ensuite, il dira, je suis le roi. Et où sont les rois de la terre? Et donc après donc avoir mentionné le verset, l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dans ce chapitre, il nous mentionne ce hadith de Abu Huraira. Après qu'il ait mentionné la chaîne des narrateurs et des transmetteurs de ce récit. Dans son commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, comme on l'a pu l'apprendre hier, nous a expliqué que dans le Coran, on peut voir parfois que le terme Al-Malik, il est mentionné d'une manière absolue, comme dans le verset Al-Malik al-Quddus, il est mentionné d'une manière absolue, ou parfois il dit, il est annexé, comme par exemple, lorsqu'on dit le roi ou le souverain du jour dernier. Et comme on a mentionné dans le verset précédent, le souverain des hommes, le roi des hommes. Et donc on avait expliqué le sens de cela. Cheikh Ibn Uthaymeen nous avait dit qu'Allah Jalla wa Ala est celui donc qui détient la souveraineté totale et absolue sur ses êtres. Aussi bien ça sous-entend le sens qu'il en a le contrôle et l'emprise, aussi bien ça sous-entend qu'il est le souverain et le maître de l'univers, le roi de l'univers, dans le sens qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui gère, administre cet univers subhanahu wa ta'ala. Donc il garantit l'administration et la gérance de cet univers subhanahu wa ta'ala. Et vous avez pu constater que cette précision, on l'a apprise lorsque Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son commentaire, il nous a expliqué un point très subtil lié à la linguistique arabe, le fait que lorsqu'on prononce Al-Malik ou bien Al-Malik, dans la distinction, dans la différence de ces deux prononciations, Al-Malik qui veut dire aussi le souverain, le roi, et comme Al-Malik aussi veut dire le souverain, le roi, sauf que Cheikh Ibn Uthaymeen nous avait expliqué la différence qu'il y a entre les deux termes et les significations que cela donne. En résumé, on a appris qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il détient la royauté et la souveraineté absolue et totale, absolue et totale, du fait qu'il a l'emprise et le contrôle total et absolu sur ses créatures, comme il a la gérance et l'administration totale et absolue de cet univers, subhanahu wa ta'ala. Et on a dit aussi que les rois qui sont sur terre ne sont aucunement comparables, on ne peut les comparer, leur royauté ne peut être comparée à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est absolue et totale. Du fait qu'Allah Jalla wa Ala, par exemple, fait partie de sa royauté, du fait que personne ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans sa permission. Donc personne, sans la permission d'Allah Jalla wa Ala, et sans son idhna, pourrait intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Différemment des rois sur terre, ceux qui ont un haut rang, les gens peuvent intercéder auprès d'eux sans leur demander la permission. Comme on le voit chez certains rois, comme on le voit chez certains gouverneurs ou certains ministres, ceux qui possèdent un rang dans les sociétés, ou bien qui possèdent une autorité, une gouvernance, si vous voulez, eh bien les gens peuvent intercéder auprès d'eux en faveur de tierces personnes sans leur demander leur accord ou sans leur demander leur autorisation ou la permission. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela est impossible. Personne ne peut intercéder auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala sans sa permission. Même les prophètes rapprochés, même les prophètes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pourra pas intercéder en faveur des hommes sans qu'Allah jalla wa ala lui donne la permission et l'autorisation de pouvoir intercéder. Donc c'est pour cela, parmi les conditions de l'intercession, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça démontre ici, et ça sous-entend bien, la souveraineté et la royauté totale d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur ses créatures. Et les rois sur terre ne sont aucunement comparables, leur souveraineté et leur royauté ne peut être comparée à celle d'Allah, jalla wa ala. Pour cela qu'on dit que la royauté et la souveraineté d'Allah est absolue et totale. Et rien ne lui est comparable et semblable, subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui, lorsqu'il décide une chose, il dit à cette chose, soit et elle est. Soit et elle est. Et personne ne peut s'opposer à cet ordre. Personne ne peut s'opposer au décret d'Allah, jalla wa ala. Comme Allah dit dans un verset, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu Kun fayakun. Regardez dans un verset de traduction relative, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il décide un ordre, innama amruhu, l'affaire, l'ordre, idha arada shay'an, lorsqu'Allah décide d'une chose, an yaqula lahu kun fayakun. Allah dit à cette chose, soit et elle est. Et ça, une grande faïda, parmi les enseignements que nous enseigne Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, ça, par exemple, ça sous-entend la gérance et l'administration totale. Ça, c'est lié à la gérance et à l'administration absolue et totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est sous-entendu dans le terme, hein, à travers l'étude du nom Al-Malik. Al-Malik. Puisqu'on a dit Al-Malik, là où tamam, at-tasarruf, wat-tadbir, wat-tadbir. Donc Al-Malik est celui qui à la gérance, comme on a dit, à l'administration totale et absolue de cet univers. Et donc, de ce fait, rentre dans ce cadre-là, lorsqu'Allah décrète et décide d'une chose, lorsqu'il veut une chose, il dit à cette chose, soit et elle est. Wala ahada yudaddullaha fi tadbirihi abadan. Et personne ne peut s'opposer à cela. Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit, et personne parmi les créatures ne pourraient s'opposer à cela. Hatta akfara al-kafirin. La yumkin an yudadd Allah azza wa jal fi tadbir. Personne ne peut s'opposer à Allah jalla wa ala. Quoi que ce soit, ou qui que ce soit, quel que soit le rang que détient cette créature, personne ne peut s'opposer à ce qu'Allah jalla wa ala a décrété. Et lorsqu'on dit Al-Malik, le souverain total et absolu, celui qui détient le contrôle et l'emprise absolue sur ces créatures, eh ben rentre dans ce cadre-là. Anna la ahad yashfa' ash-shafa'ata allati fiha al-khayr illa ba'd idhnillahi 'azza wa jall. De ce fait-là, rentre dans ce cadre que personne ne peut intercéder, personne ne peut se faire intercesseur dans un bien, intercéder auprès d'Allah Jalla wa Ala sans sa permission, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important, Cheikh Ibn Uthaymeen donc nous a expliqué cela. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est là qu'il va nous expliquer maintenant le sens des versets dans la sourate An-Nas. Et à ce moment donné, à cet endroit précis du commentaire, là c'est très important aussi, du fait que Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer le verset Malik An-Nas. Donc ce verset, hein, qu'en guise d'intitulé de titre, que chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, l'auteur de cette œuvre, eh bien, a utilisé en guise d'intitulé. Donc il a utilisé le verset de la sourate Les Hommes, Malik An-Nas. Et là, Cheikh Ibn Uthaymeen va nous stipuler, va préciser ici que l'imam al-Bukhari lam yaqul maliki yawmiddin. Il n'a pas utilisé le verset où Allah Jalla wa'ala nous dit qu'il est le roi, le souverain du jour de la rétribution. Et c'est aussi traduit par certains traducteurs, on pourrait le traduire du jour dernier. Le roi, le souverain du jour dernier. Donc il dit limada li anna li kulli maqamin maqalan. Parce que, comme il est connu dans la langue arabe, dans une expression, il est dit « les kulli maqamin maqal » et chaque circonstance a la parole qui lui convient. Et chaque circonstance a la parole qui lui convient. Et peut-être que lui, l'imam al-Bukhari, selon le contexte et les circonstances, ce qu'il veut enseigner par rapport au sens hein, du nom, alors il a utilisé le verset dans la sourate Les Hommes « Malik An-Nas ». « Malik An-Nas ». Et de ce fait, Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer que dans les deux dernières sourates du Coran, fi as-suratayni al-falaq wan-nas. Donc vous avez vu dans la sourate al-falaq et dans la sourate an-nas, les hommes, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit nazalata li-nushrati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, li-nushrati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min as-sihr. Donc il dit qu'elles étaient descendues pour qu'elle soit une guérison, elle soit un remède pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut ensorcelé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Wa man illadhi sahara » et qui est-ce qui l'a ensorcelé ?« Wahidun minan nas » Cheikh Ibn Uthaymeen dit « Un individu parmi les hommes, fa kanat al-munasaba an yuqal » Malik An-Nas. Et de ce fait, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, les circonstances hein, font que il convenait d'évoquer, de mentionner ce verset-là. Regardez, c'est très pertinent. Donc, par rapport à ce contexte-là, il convenait de mentionner ce verset lorsqu'Allah Jalla wa'ala dit, il est le roi, le maître des hommes. Le maître des hommes. Pourquoi? Parce que ces sourates ont servi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en servait pour la Ruqya, pour la Ruqya. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilisait ces sourates, elles étaient, comme on a dit, hein, c'est des sourates qui sont protectrices. Allah, Jalla wa Ala, nous accorde la protection contre les démons, et parmi les causes de sa protection, le fait de réciter ces deux sourates. Donc ce sont des sourates qui sont protectrices, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, vous remarquez que Cheikh Ibn Uthaymeen, vous remarquez bien que Cheikh Ibn Uthaymeen stipule bien et précise bien ce fait, puisque lorsqu'il y a la mention de ce verset, donc Surat An-Nas fait partie des sourates protectrices, et il nous est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut ensorcelé. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen pose cette question, qui est-ce qui l'a ensorcelé? Il dit un homme. Un homme, donc, un individu parmi ceux qui rentre dans ce qu'on nomme An-Nas. An-Nas. Donc il dit, il convenait, donc c'est très judicieux de la part de l'imam al-Bukhari, d'avoir mentionné ici ce verset. Et lorsqu'on observe ce dont fait allusion à Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsqu'on observe les livres de Kutub al-Tafasir, certains exégèses dans leur Kutub al-Tafasir, dans leur livre d'explication du Coran, comme c'est rapporté par l'imam al-Qurtubi, il rapporte qu'effectivement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut ensorcelé. Et dans les récits qui sont rapportés, vous pouvez retrouver dans des livres de Tafasir, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un servant, un jeune juif, un enfant, un garçon juif, qui était un servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui servait le prophète, qui était en quelque sorte au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rapporté qu'il s'était mis en contact, qu'il était en contact avec des juifs à l'époque, et parmi eux, cet homme qui s'appelait Labid, Labid ibn al-Arsam, Labid ibn al-Arsam. Et c'est lui, Labid ibn al-Arsam, qui est celui qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, lorsque ce jeune juif qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en contact avec Labid ibn al-Arsam, donc il lui a demandé des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est rapporté dans l'histoire qui est rapporté dans le livre de tafsir de l'imam al-Qurtubi et autres, ils disent qu'ensuite ce jeune juif a pris des cheveux du peigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, il est rapporté que l'Abid ibn al-Arsam, cet homme, hein, ce juif ensuite, a jeté un sort et a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut retrouver aussi que l'imam ibn al-Jawzi dans Zad al-Masir, lui aussi a évoqué ce récit. Donc ensuite, il nous est rapporté aussi que plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rapporté dans un hadith que deux anges sont venus à lui. Deux anges sont venus à lui et un était au pied du prophète alayhi salat wa sallam, alors qu'un autre ange était et tenait la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un ange qui s'est assis près de ma tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et l'autre près de mes pieds. Et l'autre près de mes pieds. Et le premier a demandé, qu'est-il arrivé? Et l'autre a répondu, de la sorcellerie, de la magie a été employée contre lui, c'est-à-dire contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dit dans le récit, et qui l'a employé? Qui est-ce qui a fait cette sorcellerie? Alors, l'autre a répondu, Labid ibn al-Arsam. Alors, ensuite il lui a demandé, et dans quoi est-elle contenue, cette sorcellerie? Il a répondu, dans un peigne et des cheveux couverts. Dans un peigne et des cheveux couverts de la bractée d'un dattier mâle. Ensuite, il a demandé, où est-il? Il a répondu, sous une pierre, au fond d'un puits. Ensuite, il a mentionné exactement quel était ce puits. Alors, ce qui est rapporté dans ce récit, c'est qu'ensuite, le sortilège, il était mis sous les profondeurs d'un puits et sous une pierre. C'est pour ça que dans le récit, il est mentionné que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer Ali et Ammar ibn Yasir et un autre compagnon qui vont aller retirer le sortilège qui se trouvait justement dans le puits. Alors lorsqu'ils ont retiré, l'eau fut retirée, alors c'est là qu'ils ont trouvé le sortilège. Là, lorsqu'ils le découvrirent, alors ils virent les cheveux avec une corde, donc le peigne et les cheveux, et une corde avec 11 nœuds, comme il est rapporté dans le récit, et une figure de cire transpercée d'épingles. Et dans le récit ensuite, il est rapporté aussi que Jibril, alayhi salam, alors vint au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit de réciter Al-Mu'awwidhatayn. Donc vous avez vu, de réciter Al-Mu'awwidhatayn, c'est ces deux sourates. Sourate Al-Falaq wa An-Nas. Donc ces deux sourates. Comme on a dit, ce sont deux sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour la ruqya, en quelque sorte pour l'exorcisme et pour la guérison. Elles sont protectrices et elles sont guérison, puisque dans le Coran, il y a guérison avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc regardez, ensuite il a rapporté que Jibril alayhi salam vint au prophète sallam et lui a dit de réciter ces deux sourates. Et pendant qu'il récitait verset après verset, il est rapporté que un nœud se défaisait et une épingle sortait à chaque fois. jusqu'à ce qu'au dernier mot, tous les nœuds soient défaits et toutes les épingles enlevées. Et il était entièrement libéré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du charme, si vous voulez, de cette sorcellerie ou bien du sortilège. Du sortilège. Et on a un autre récit, on a un autre hadith, où il nous a rapporté que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle a décrit cela. Donc elle a décrit ce sortilège et cette sorcellerie que ce mal hein, que subissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'imaginait de faire des choses alors qu'il ne le faisait pas. Par exemple, il s'imaginait avoir eu des rapports avec ses épouses alors que il ne les avait pas fait. Ou par exemple, il avait des sortes d'hallucinations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était touché par des hallucinations comme Aïcha radiallahu ta'ala anha nous rapporte cela. Donc vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a à travers cela de grandes sagesses à retenir. Il y a des la hikmatullah, la sagesse d'Allah, elle est immense et infinie. Mais c'est pas tout le monde qui peut la concevoir. Et parfois, notre imagination et notre conception des choses est limitée. On ne peut pas concevoir parfois l'immensité de la sagesse et des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben, regardez et observez, alors qu'il est le messager d'Allah, alors qu'il est l'élu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est le meilleur des hommes, alors qu'il est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre sa révélation et pour transmettre son message aux hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son message s'adresse à toute l'humanité, sans distinction, à tous les hommes, à ces deux mondes, aussi bien le monde des hommes et le monde des djinns. Donc le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour l'humanité, pour tout l'univers, et il s'adresse aussi bien au monde des êtres, des hommes, comme aussi bien pour le monde des djinns. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été choisi pour transmettre le message d'Allah, regardez, il a été touché par ses épreuves. Le prophète a été éprouvé. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par des épreuves très dures, des épreuves très difficiles. Très difficiles. Pourquoi? Parce que lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit que les épreuves, selon le degré et le rang de l'individu, selon ce rang de iman, alors l'individu sera éprouvé en degré, éprouvé en degré. Et les plus éprouvés, ce sont les prophètes. ثم الأمثال فالأمثال. Donc, أشد البلاء, ceux qui sont le plus éprouvés, le prophète en somme nous dit الأنبياء, ce sont les prophètes et les messagers. Regardez la vie du prophète en somme. Le prophète a été éprouvé par la faim. Tellement que le prophète, parfois il avait faim, il sortait de chez lui, comme il nous a rapporté dans des récits. Un soir, la nuit, le prophète est sorti de chez lui et il rencontra ses deux compagnons, Abu Bakr, radiallahu ta'ala an, et Omar, radiallahu ta'ala anhuma. Et il les rencontra, eux aussi étaient sortis de chez eux en pleine nuit parce qu'ils avaient faim. Donc qu'est-ce qui les avait fait sortir? C'était la faim, al-jaw. La faim. Et regardez, donc à l'époque, ils étaient éprouvés par la faim. Et le prophète sorta de chez lui, et donc il a été éprouvé par cette épreuve qui est mort, le fait d'avoir faim. Tellement il nous a rapporté à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils avaient faim, parfois ils mettaient des pierres sur leur ventre. Tellement ils avaient des douleurs, ils ressentaient cette faim, et ça leur occasionnait des douleurs dans le ventre, donc ils mettaient des pierres sur leur ventre. Regardez l'épreuve de la faim, c'est une épreuve difficile. Le prophète, comme on l'a dit précédemment, il a été éprouvé par la sorcellerie. Donc il a été ensorcelé par ce juif, l'Abid ibn al-Arsam. Et donc le prophète a subi les méfaits de ce sortilège et de cette sorcellerie. Il a été touché, comme on l'a dit précédemment, par des hallucinations. Il a été touché par le fait qu'il s'imaginait faire des choses alors qu'il ne les faisait pas. Donc ça, c'était une épreuve pour le prophète. Le prophète a été éprouvé par l'antagonisme et l'animosité de son peuple. Alors qu'il les appelait à la parole de la réussite, la parole qui fait triompher les peuples et les gens, le fait de dire « La ilaha illallah », cette parole qui sauve les gens par la grâce d'Allah du feu de l'enfer. Alors qu'il les appelait à la réussite, il leur disait « Qulu la ilaha illallah tuflihu » « Dites la ilaha illallah, vous allez connaître le succès, la réussite. » Alors il a connu l'antagonisme et l'animosité de son peuple, jusqu'à ce qu'ils lui ont fait subir les préjudices et les torts. Ils lui ont fait subir des supplices. Donc ils attaquaient le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète a subi les 3 ans de blocus. Imaginez-vous 3 années complètes. 3 années complètes de blocus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut mis à l'écart. dans une haute vallée, une haute colline, et il était mis à l'écart avec ses compagnons. Et donc, en quelque sorte, c'était 3 années de blocus. Et c'était une épreuve qui était très très difficile. Et il était constamment persécuté par son peuple. Et il était injurié, insulté, il était dénigré. Les gens essayaient de ternir sa réputation. Les gens, alors qu'ils venaient de les tribus arabes, alors qu'ils venaient à la Mecque pour les pèlerinages ou autres, les polythéistes à l'époque de Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ternissaient l'image du prophète et ils parlaient du prophète en mal. Ils le dénigraient, ils le traitaient de poète fou, ils le traitaient d'ensorcelé, etc. De menteur, d'imposteur. Donc le prophète, sallam, jusqu'à même qu'il est parti à Taïf, chercher protection, et même à Taïf, ils lui ont fait subir des préjudices et lui ont jeté des pierres. Et jusqu'à ce qu'ensuite le prophète, sallam, lorsqu'il a voulu émigrer, ils ont poursuivi le prophète, sallam. Donc ils étaient aux trousses du prophète, sallam. Ils l'ont poursuivi. Ils ont même essayé, déjà avant l'émigration à la Mecque, de tuer le prophète, sallam, dans une nuit. Dans une nuit, ils ont essayé de tuer le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc ils ont tout fait subir au prophète, sallam. Toutes sortes de supplices et de préjudices. Jusqu'à même lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'en alla et émigra, alors il s'est retrouvé dans une grotte. Il a dû, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se cacher hein, et se dissimuler dans une grotte parce qu'il était poursuivi. Et parce que les polythéistes voulaient mettre un terme à la vie du prophète, à la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lorsque le prophète arriva à Médine, donc... Il se trouva à Médine, donc à Médine, il y avait un contexte spécifique, il y avait des problèmes économiques, il y avait toute une politique à refaire. Regardez, il fallait réunir entre les gens. Les émigrés de la Mecque avaient quitté tous leurs biens, avaient quitté leur famille, avaient quitté leur richesse, ils n'avaient plus rien. Donc il fallait qu'ils s'installent à Médine, donc il fallait unir entre les gens de Médine et ces nouveaux émigrés qui venaient d'arriver de la Mecque. Donc tout cela, le prophète sallam le supportait. Et tout cela, le prophète sallam a pris cette responsabilité et il a propagé le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas tout. Ensuite, les polythéistes ont poursuivi le prophète jusqu'à Médine et ils ont voulu attaquer le prophète et ses compagnons à Médine jusqu'à les anéantir. Le but, c'était d'anéantir le prophète sallam et ses compagnons à Médine. Et d'anéantir leur famille, de mettre à terme à ce message, de mettre à terme au prophète, sallam. Et là, on voit que, aussi bien, al-Muhajirun ou al-Ansar ont donné leur vie, leur bien pour la préservation de ce message. Ils ont protégé le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, ils ont tout donné pour que ce message perdure et pour que le prophète, sallam, soit protégé et que son message soit préservé. Donc, regardez toutes ces épreuves qu'a connues le prophète, alayhi salatu wa salam. Et ça, c'est vraiment des choses à prendre en considération. Il faut méditer cela. Donc, de tout cela, les leçons à tirer de savoir que le prophète, sallam, a été éprouvé de cette manière, on tire de tout cela que les leçons à tirer, c'est qu'Allah, jalla wa ala, lorsqu'il aime un peuple, il éprouve. Et le prophète, sallam, fut aimé d'Allah, jalla wa ala, et la meilleure des créatures, Allah l'a choisi pour transmettre sa révélation, et il a été éprouvé de cette manière. Et c'est pour ça que dans un récit, le prophète, sallam, nous dit, إِذَا حَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُ. Lorsqu'Allah aime un peuple, il éprouve. C'est pour cela que les croyants seront éprouvés, et leur foi sera testée, mis à l'épreuve. Et le prophète, sallam, pour cela que lorsqu'on lit dans sa vie, c'est un grand rappel pour toutes les générations de croyants, des musulmans. Pour chaque génération, c'est un rappel de l'ère dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est pour cela que aujourd'hui, les musulmans doivent, ceux qui sont vivent dans des bienfaits, ceux qui sont dans un bien, ceux qui vivent en sécurité, ceux qui ont la santé, ceux qui sont chez eux avec leur subsistance, ils doivent se réjouir de cela et remercier Allah Jalla wa Ala pour ses bienfaits. Pourquoi? Parce que regardez, lorsqu'on voit que le prophète sallam, parfois il est éprouvé par la faim et ses compagnons étaient éprouvés par la faim. Lorsqu'on voit ses compagnons, lorsqu'on voit ses croyants qui étaient éprouvés de cette manière, alors c'est pour cela que le croyant, lorsqu'il voit qu'Allah Jalla wa Ala l'a comblé de tous ses bienfaits, lorsqu'il jouit de la santé, lorsqu'il a des biens, lorsqu'il a sa subsistance, lorsqu'il vit en sécurité, alors il doit se réjouir et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on voit, et malheureusement, et ça c'est un rappel, hein, malheureusement, on voit beaucoup de gens de la communauté qui vivent des bienfaits, qui sont dans des bienfaits immenses et qui sont comblés de ces bienfaits chaque jour et chaque instant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont constamment en train de se plaindre. Constamment, ils se plaignent alors qu'ils n'ont pas vécu. Qui n'ont pas vécu ces épreuves qu'ont vécu les premiers de cette communauté, qu'ont vécu les premières générations de cette communauté. Et c'est pour cela que lorsque la personne se réveille un beau matin et il a la santé et il est en sécurité et il a la subsistance de la journée, alors il doit remercier Allah Jalla wa Ala et se réjouir de cela. Et c'est même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la personne, s'il se réveille le matin, il est mu'afa. Mu'afa, c'est celui qui, mashallah, qui jouit de al-afiya, qui a la santé, mashallah, qui est en bonne santé et il est en sécurité et il a al-qut. La subsistance de sa journée, alors il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et se réjouir de cela. Et doit profiter de cela pour se rapprocher d'Allah, pour le remercier et pour louer et vanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, on voit beaucoup qui se plaignent. Et c'est pour cela que on doit réfléchir à cela. On voit certains frères qui se plaignent de leur situation. On voit certaines sœurs qui se plaignent de leur situation. Alors que, mashallah, par exemple, on a des sœurs qui sont chez elles. Elles sont dans une ni'ma dont elles sont pas conscientes. Elles sont chez elles, elles sont en sécurité, elles sont avec leur famille, avec leurs enfants, elles peuvent se faire une bibliothèque, elles n'ont pas à sortir, elles n'ont pas cette obligation. Pour certaines, hein, pour celles qui n'ont pas, par exemple, pour celles qui ne sont pas veuves ou divorcées ou autres, qui n'ont pas cette obligation de sortir et d'aller chercher sa subsistance et d'aller travailler, certaines de nos sœurs, walillahil hamd, donc elles sont pas dans cette situation difficile, qu'elles sont dans l'obligation et la contrainte d'aller travailler, donc elles peuvent être chez elles, avec leurs enfants, elles sont en bonne santé, elles peuvent se faire une bibliothèque, elles peuvent remplir leur maison de livres et elles peuvent s'occuper de leurs enfants et lorsqu'elles ont du temps, elles peuvent faire talab al-ilm. Elles peuvent devenir savantes, elles peuvent lire dans la vie du prophète, elles peuvent lire le Coran, elles peuvent le mémoriser, lire dans l'exégèse, elles peuvent apprendre cette religion et ensuite elles peuvent profiter aux autres, à leur famille, à leurs proches et aux sœurs. Et malheureusement, on voit de beaucoup de sœurs qui ont du temps, elles peuvent apprendre cette religion, elles se plaignent. Beaucoup se plaignent et parfois aussi c'est les frères qui se plaignent alors que les gens Allah Jalla wa Ala les a comblés de ses bienfaits, alors que la personne elle se réveille un beau matin, comme on l'a dit, elle est en bonne santé, elle a la santé, elle a sa subsistance de la journée, elle est en sécurité. Regardez, il y a des pays ils vivent la guerre. Chaque moment, c'est constant. Ils sont en guerre. Donc, ils n'ont pas cette sécurité. Il y a des pays, par exemple, dans certains continents, c'est la faim. Ils sont éprouvés par la famine, ils sont éprouvés par la sécheresse. Donc eux, ils ont faim, ils n'ont pas cette subsistance parfois de la journée. Ils savent pas en début de journée qu'est-ce qu'ils vont manger le soir. Et donc on voit, il y en a qui sont vraiment éprouvés. Ceux qui machin là vivent ces bienfaits là, de la santé, il faut remercier Allah Jalla wa Ala. Pourquoi? Parce qu'on sera interrogé sur ces bienfaits là. On sera chacun sera interrogé sur ces bienfaits. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Regardez, Allah Jalla wa Ala nous dit ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Et ce jour-là, vous aurez à rendre compte, vous allez être interrogé, hein, des délices qui vous ont été accordés. Une traduction relative du verset. Donc Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il y aura un jour où on sera interrogé au sujet de ces délices et de ces bienfaits qui nous ont été accordés, qu'Allah Jalla wa Ala nous a octroyés. Mais malheureusement, c'est comme ça que beaucoup on a été éduqués, du fait qu'on a évolué dans des sociétés qui sont modernes et qui nous ont inculqué cette chose de regarde ce que tu n'as pas. Donc beaucoup, voilà ce qui nous a été inculqué et beaucoup de gens, eh ben, se sont pas déconditionnés. On nous a inculqué cette règle-là. On voit beaucoup de gens, ils sont sur ça. Le fait de regarder ce qu'ils n'ont pas et de convoiter ce qu'ils n'ont pas. Alors que l'islam nous apprend tout à fait l'inverse, et le contraire. C'est le fait de regarder et d'être satisfait de ce qu'on a. C'est ça ce qui nous est inculqué dans l'islam. Et c'est ça qu'on doit inculquer aux futures générations. C'est de regarder et d'être satisfait de ce qu'on a, et d'avoir ce qu'on appelle al-qana'a, d'avoir al-qana'a, c'est de se réjouir, hein, de ce qu'on a. Lorsqu'on a une chose, on en est satisfait et on en est heureux. Donc il faut se déconditionner de cela et ne pas rentrer dans et ne pas regarder et convoiter toujours ce qu'on n'a pas, mais plutôt être content de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que ça, c'est un énorme bienfait. Donc le croyant, il doit savoir qu'il jouit de bienfaits qui sont inestimables. Allah Jalla wa Ala nous a comblés de bienfaits qui sont inestimables. De ce fait, pour celui qui voit qu'il a une demeure, qu'il a un foyer. Regardez aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de frères et de sœurs qui viennent de pays où il y a eu la guerre. Donc ils ont immigré de leur pays. Aujourd'hui, on voit beaucoup de sœurs, par exemple, qui sont dans des feux rouges et qui font la manche. Elles sont avec leurs bébés, elles sont avec leurs enfants, elles viennent de Syrie ou d'autres endroits, et regardez, elles n'ont pas de revenus, certaines sont veuves, certaines sont seules, ou autres. Et regardez, on voit que certaines sont obligées de faire la manche, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Donc si des sœurs, par exemple, elles voient qu'elles peuvent rester chez elles, elles n'ont pas ce problème d'aller chercher leur subsistance, elles peuvent éduquer leurs enfants à la maison, elles peuvent se faire une bibliothèque avec des livres et apprendre et devenir des savantes. Lisez dans la vie de pieux prédécesseurs, de première génération, vous allez trouver dans les biographies, il y avait des femmes qui étaient connues à leur époque parmi les plus grandes adoratrices et parmi les plus grandes femmes vertueuses. Et ensuite, elles ont éduqué leurs enfants ensuite sont devenus des grands imams. Ensuite, elles ont quitté ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde ne va pas durer longtemps. C'est juste un passage, comme on l'a dit maintes fois. Donc ça va pas durer longtemps. L'enjeu, il est grand et il est immense. C'est pour ça, bien méditer. Hein. Donc on s'est fait un rappel, juste le fait de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par la sorcellerie, par ses sortilèges qu'avait fait sa... cet homme, l'Abid ibn al-Arsam, ça c'est un rappel pour nous. Lorsqu'on revient maintenant à l'explication de Sharm al-Athemi de ces versets, on va continuer parce que vous allez voir, il y a un grand rappel aussi de nombreux enseignements à travers l'étude de ces versets. Donc Sharm al-Athemi, il dit, donc ensuite, pour cela, il est dans la sourate les hommes, vous avez vu, c'est répété, le fait de chercher protection auprès du roi des hommes, il est dit Malikin Nas, Ilahin Nas, par exemple. Donc, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, du Souverain des hommes, du Ilah, de l'adoré des hommes. Vous avez vu, c'est répété. Donc, Sharm al-Athemi nous dit, regardez, il y a une répétition. Il y a une répétition. Au début, il est mentionné dans le premier verset, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ensuite, il est dit Malikin Nas, le souverain des hommes. Ensuite, il est dit Ilahin Nas, l'adoré, Ilah, hein, celui qui mérite l'adoration des hommes. Walihada fahu al-Maliku, wal-Ilahu, wal-Ma'lu, l'innasi subhanahu wa ta'ala. Pour cela, regardez, Sharm al-Athemi nous dit, de ce fait, Allah Jalla wa Ala, il est le Seigneur, il est al-Maliku, il est le roi, le souverain, wal-Ilahu, wal-Ilah, celui qu'on traduit hein, de manière relative. L'adorer, pourquoi? Parce que Al-Ilah, c'est pas seulement le Seigneur comme certains l'ont traduit. Le Seigneur comme certains l'ont traduit. Mais Al-Ilah, c'est Al-Ma'lu, comme le sous-entend bien Sharm al-Athemi. Al-Ma'lu, c'est celui donc qui est adoré. Pour cela, dans une traduction, on pourrait dire Al-Ilah wa Al-Ma'lu. Et ça, vous le retrouvez dans des anciens dictionnaires de la langue arabe qui font office de référence. Et vous le retrouvez aussi dans les explications des pieux prédécesseurs à l'époque des compagnons du prophète, remontant jusqu'à Abdallah ibn Abbas, que Al-Ilah wa Al-Ma'lu. C'est pour ça que dans La ilaha illallah, Al-Ilah, c'est l'adorer. Al-Ma'lu, La ma'bouda bihaqqin illallah. Donc, falikulli maqamin maqal. Pour cela, Sharm al-Athemi dit, de là, on comprend bien que chaque circonstance a sa parole qui convient. وَهَذَا مِنْ بَلَغَةِ الْقُرْآنِ Et ça, il dit, ça fait partie de l'éloquence immense du Coran. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ سُحِرَ وَرُقِيَ بِهَتَيْنِ السُّرَتَيْنِ وَمَا تَعَوَّذْ مُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَا وَلَا أَحْسَنَ مِنْهُمَا لِرَفْعِ السِّحْرِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ صِدْقٌ مِنْ قَارِئِهِمَا وَقَابِلِهِمَا أي المقروء عليه فإن كان في القارئ شك أو في المقروء عليه شك فإن ذلك لا ينفع لكن إذا كان هناك قوة ويقين فإنه بإذن الله ينفع ولا أنفع منهما وهذا شيء مجرب لمن وفق للإيمان واليقين وصار المحل قابلا وهو المقروء عليه أما إذا كان المحل غير قابل فلا ينفع. فلا ينفع. Regardez ce que nous dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il nous dit, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, a subi cette sorcellerie. Donc, il a été ensorcelé. وَرُقِيَ بِهَتَيْنِ السُّورَتَيْنِ. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite, ces deux sourates ont été utilisées, donc, en guise de ruqya. وَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَا. Et Cheikh Ibn Uthaymeen nous enseigne, il dit, il n'y a pas une meilleure recherche de protection si ce n'est à travers ces deux sourates, la lecture et l'utilisation de ces deux sourates. وَلَا أَحْسَنَ مِنْهُمَا لِرَفْعِ السِّحْرِ. Et Cheikh Ibn Uthaymeen dit, il n'y a pas meilleur que ces deux sourates pour la dissipation de la sorcellerie. La dissipation de la sorcellerie. Maintenant, il y a une question qui est très grande aussi à savoir. Les savants ont traité le sujet. Combien de temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a duré cette sorcellerie? Combien de temps cette sorcellerie a duré? Alors certains savants, il y a des avis qui ont été émis. Et wal Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani dans Kitab al-Fath, dans son explication de le Bukhari, il va résumer et dit donc qu'il y a différents avis qui ont été mis par les savants. Certains savants ont été d'avis que ça a duré 6 mois. Que cela a duré 6 mois. Donc, il se base sur des paroles, sur des récits. En l'occurrence, il se base sur un récit que certains rapporteurs ont trouvé que ce récit était authentique de Az-Zuhri. De Az-Zuhri qui disait que, où il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette sorcellerie a duré pendant une période de 6 mois. 6 mois. Et d'autres ont dit 40 nuits. 40 jours, hein, et 40 nuits. Et Al-Hafidh Ibn Hajar, il explique, il dit comment réunir cela. Il dit en fait ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut savoir, qu'en tout, peut-être que ça a duré, le sortilège, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le sortilège a été ensorcelé pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ce qu'il faut retenir. Sauf que peut-être les effets de la sorcellerie et ce qu'a subi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme hallucination et le fait qu'il s'imaginait de faire des choses alors qu'il ne les faisait pas, peut-être que cela vraiment a perduré une quarantaine de jours et 40 nuits. C'est ça ce que certains savants disent lorsqu'ils réunissent les textes. Donc ça, c'est en ce qui concerne la période. La période, hein, combien de temps a duré cette sorcellerie qui a atteint et touché le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. De ce fait, ce qu'il faut savoir, donc les ulama, ils n'ont pas écarté l'hypothèse selon laquelle le sortilège dont fut victime le prophète sallallahu alayhi wa sallam comportait une forme aussi de possession par les djinns. C'est pour cela que à travers ces sourates, il y a une demande de protection de cela. Mais regardez, il y a quelque chose, un élément très important à prendre en considération, mais elle n'avait aucune influence sur son aptitude à transmettre le message. Donc cette sorcellerie-là et ce sortilège qui a touché le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et comme vous savez tout cela par la permission d'Allah, hein, par la permission, et rien ne se passe sans qu'il y ait une sagesse infinie et immense de la part de notre Seigneur, et rien ne se passe dans cet univers sans qu'Allah Jalla wa Ala l'ait prédestiné. Mais ce qu'il faut savoir, que malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par cette sorcellerie, cela n'a eu aucune influence sur son aptitude à transmettre le message d'Allah sallallahu, le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ni à enseigner la sharia, la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que lui-même, Al-Hafidh Ibn Hajar, dans son kitab Al-Fath, dans l'explication de Al-Bukhari, il dit que l'infaillibilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa préservation des démons n'exclut pas que ces derniers ont usé de toutes les ruses dont ils sont capables pour lui porter préjudice. Comme le démontre le hadith authentique qui mentionne que l'un d'eux a tenté une fois de couper sa prière, par exemple. Il y a un hadith qui mentionne que justement, ils ont essayé une fois de couper sa prière. Mais qu'Allah, Jalla wa Ala, avait permis au prophète de le maîtriser. De maîtriser ce djinn au point qu'il aurait pu, s'il le voulait, l'attacher à l'un des poteaux de la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sorcellerie, l'Hafid ibn Hajar continue et il dit, donc la sorcellerie dont le prophète sallam fut victime ne sort pas de ce cadre et n'avait aucune influence sur son infaillibilité. An-Nabi sallam kana huwa ma'soum, huwa al-ma'soum sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam huwa ma'soum fi tabligh ar-risala. Le prophète sallam est al-ma'soum. Al-ma'soum, c'est celui qui est infaillible. Donc son infaillibilité, elle est claire, et ni son aptitude à transmettre le message n'a été entachée. Et c'est pour cela que Al-Hafid ibn Hajar dit en quelque sorte, ça ressemble aux autres maux qui le touchent, comme la maladie, la fatigue, qui l'empêche parfois de parler ou d'accomplir certaines tâches, et le fait qu'il s'imaginait parfois momentanément faire des choses, alors qu'en réalité on a dit il ne les faisait pas. Donc le prophète, on a dit, il était touché par des hallucinations. Mais Allah Jalla wa Ala finit toujours par secourir son prophète. Donc vous avez vu, à travers toutes les épreuves qu'on a mentionnées du prophète, Allah a toujours fini par secourir le prophète, et il met un terme aux ruses des démons. Et là on fait la fin de citation. Vous avez vu, c'est une parole qui est vraiment à méditer de l'Hafid ibn Hajar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours ensuite été secouru par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on revient regarder à l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. C'est très pertinent ce qu'il va nous expliquer ici. Il nous dit donc, ces deux sourates font partie des meilleures sourates pour rechercher la protection et rechercher la guérison, par exemple, d'une forme de sortilège ou de sorcellerie. D'une sorcellerie. Sauf que, regardez cette précision que va nous faire Cheikh Ibn Uthaymeen. Sauf qu'il y a une condition pour qu'elle soit bénéfique et pour qu'elle soit profitable. Il dit, la condition, il faut la sincérité de la personne qui les récite et de cette personne à qui on les récite. Donc, Cheikh ici nous cite deux personnes, deux individus, Al-Qari et Al-Maqru alayhi. Il va citer celui qui récite, donc ces sourates-là, pour que ça soit une ruqya, et celui donc qui va bénéficier de cette lecture, c'est-à-dire celui qui attend pas un mal, que ce soit le mal occulte ou bien un autre mal comme la sorcellerie, des sortilèges, ou aïn ou autre. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen pose condition que si une personne prend la place du raqi, ici celui qui va lire, alors, et celui qui va bénéficier de cette lecture, tous deux doivent être véridiques et doivent être sincères. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il dit. S'il n'y a pas ces conditions, alors, فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعَ. Chéri dit, s'il n'y a pas ces conditions-là, qui sont présentes et existantes, ce qu'on vient de dire, il n'y a pas de sincérité de la part de ces deux, alors, il dit, ça ne sera pas bénéfique. لكن إذا كان هناك قوة ويقين, par contre s'il y a une force, une certitude, hein, la force de la certitude, aussi bien celui qui lit et aussi bien celui qui bénéficie de cette lecture ont une foi inébranlable, ils ont une croyance et une certitude inébranlable, c'est-à-dire ils sont certains que cela est bénéfique par la grâce d'Allah et la permission d'Allah, فَإِنَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ يَنْفَعَ. Regardez ce que nous dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Il dit, avec la grâce d'Allah et la permission d'Allah, ça sera profitable. Wala anfa'a minhuma. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas plus profitable que ces deux-là. Wa hadha shay'un mujarrab. Il dit, ça, c'est quelque chose qui a été expérimenté. Liman wuffiqa lil imani wal yaqin. Il dit, pour celui dont Allah Jalla wa Ala lui a accordé le succès dans l'iman, celui qui a vraiment l'iman, une croyance et une certitude. Et pour cela ensuite, celui qui bénéficie de cette lecture, eh ben, il devient réceptif. Donc c'est celui sur qui on lit et qui bénéficie de cette ruqya en quelque sorte. Par contre, si celui qui bénéficie n'est pas réceptif, donc ça ne sera pas profitable. Cheikh Ibn Uthaymeen, regardez ici, il va donner un exemple. Il va dire, مثال. لو جاء رجل شجاع قوي ومعه سيف بتار. وأتى على حديد صلب وهو الذي لا ينثني ولا يلين. فتحمس علي ونادى أنا أبو فلان أنا أبو فلان، ثم قام وضرب السيف على هذا الحديد الصلب ينقطع السيف لأن المحل غير قابل فلا يتأثر به، ومع أن الرجل شجاع والسيف بتار ولكن لا ينتفع لأن المحل غير قابل. لكن لو جاء هذا الشجاع بسيف بتار على رقبة مجرم مستحق للقتل ثم ضربه بعض أن انفعل، فستكون الضربة حينئذ قوية. هل يتأثر وينقطع رقبته أو لا؟ لا شك تنقطع رقبته لأن المحل قابل. وربما تقرأ على إنسان فيقول والله ما أدري عن هذا وما أدري ينفعني ولا ما ينفع، ولا أدري ينفعني ولا ما ينفع، وآخر يذهب إلى فلان من الكهنة هل تنفعه الرقية؟ لا. يعني تأملوا، يعني قل كلام الشيخ، يقول ربما تقرأ على إنسان فيقول والله ما أدري عن هذا، أنت تقرأ عليه هذه أو هذين السورتين فيقول هذا والله ما أدري عن هذا وما أدري ينفعني أم لا وما أدري ينفعني أم لا. ما ينفع؟ يقول الشيخ، يقول إذا كان الإنسان يشك ويتردد في هذا فيقول هذا ما ينفع، وآخر يذهب إلى فلان من الكهنة والسحرة هل تنفع هذه الرقية؟ يقول لا، لأنه لابد من أمرين القاري والمقرو علي. إذن في هذه الآية إثبات الملك لله جل وعلا، وأنه عام وسبق لنا أن ملك الله جل وعلا لا يشابه ملك المخلوقين لأن الملك المخلوقين محدود مقيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة، الأرض كلها يقول يقبضها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والشاهد هذا في القرآن والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كما قال الله جل وعلا. Donc regardez pour terminer. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, donc il a donné un exemple. Il a donné un très bel exemple. Il dit par exemple, il y a un homme qui est par exemple Shuja wa Qawi, un homme fort et courageux. Et là, avec lui, une épée qui est tranchante. On pourrait traduire comme un sable tranchant. Et lui, ensuite, il veut taper malgré que c'est un homme courageux et fort qui détient un sable tranchant. Il veut couper de l'acier, du fer endurci. Il dit وَأَتَعْ لَحَدِيدٍ صُلْبُ فَهُوَ الَّذِي لَا يَنْثَنِي وَلَا يَلِينَ فَتَحَمَّسَ عَلَيْهِ وَنَادَى أَنَا أَبُو فُلَانَ أَنَا أَبُو فُلَانَ. Et lui, il crie « Je suis un tel, fils d'un tel » et il veut casser, il veut trancher ce fer endurci, cette sorte d'acier. Il dit « هذا لا ينفع » Il dit « Cela ne sera pas profitable et ça ne va pas marcher. » Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que Al-Mahal, ce qu'il appelle Al-Mahal, hein, c'est cette chose qu'il est en train de frapper, elle n'est pas réceptive. Ça ne peut pas marcher sur cette chose-là. Il dit de même, il donne l'exemple de même, celui à qui on va réciter ces versets, on va réciter ces sourates en guise de protection et de guérison, il dit, il y a cette personne-là, si elle n'a pas une forte foi, si cette personne, eh ben, elle n'a pas la croyance qu'il faut, il dit, il n'a rien à faire. Il dit, cela ne sera pas profitable et ça ne sera pas bénéfique. Comme à titre d'exemple, ici, à l'exemple d'un homme fort et courageux qui a un sable tranchant, qui va taper sur de l'acier, vraiment dur, hein, sur du fer dur, hein, cet acier fort, et il dit il ne pourra pas couper cet acier. Et bien, de même, il dit, regardez cet exemple qui est très pertinent de Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit de même, la personne qui par exemple doute, ou la personne qui n'est pas certaine, ou la personne qui n'a pas l'iman, ici, une force, hein, dans son iman, alors il dit, il ne sera pas réceptif, de sorte que cette ruqya, elle ne sera pas bénéfique. Et là, on comprend bien que Cheikh Ibn Uthaymeen insiste bien sur ce fait-là, que la personne qui reçoit et qui bénéficie de cette lecture, elle aussi, elle doit être croyante. Et à titre d'exemple, regardez cet exemple-là de l'épée, de ce sable tranchant. Il dit par exemple aussi, si par exemple, et d'où l'importance ici, que soit réceptif la personne, si par exemple cet homme il va utiliser l'épée pour trancher le cou d'une personne, par exemple, il dit là ça va marcher, pourquoi? Parce que là, l'endroit, cette chose qu'il veut couper, eh ben, elle est... tout simplement parce que c'est un membre ici qui se tranche. Donc, à ce moment-là, la frappe de cet homme et l'épée aura un effet. Pourquoi? Parce que ce membre, eh ben, se tranche. Et de ce fait, Cheikh Ibn Uthaymeen parle de l'effet et de l'influence. Donc, pour que cette lecture, donc ça, c'est un exemple qu'il a donné, pour que cette lecture ait un effet, cette ruqyam, si vous voulez, elle ait un effet, elle soit un remède, elle soit une protection, une guérison pour la sorcellerie. Regardez Cheikh, regardez ce qu'il va dire encore pour bien appuyer sur cela. Il dit, Rubbama taqra ala insan. Il dit, peut-être tu vas lire à une personne, et lui, cette personne-là, par exemple, donc, on va lui lire ses sourates, ses deux sourates, et la personne qui par exemple, qui est touchée par un mal occulte, ou qui est touchée par autre chose, il cherche la guérison, il cherche la protection, donc, la personne vient, on va lui réciter, et lui, par exemple, il sait pas, il est incertain, il a un doute, il dit, Wallahi madri, an hada, je sais pas, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que ça va pas marcher? Alors, cher ici, il dit, ça va pas marcher, et ça aura aucun profit. Il dit, ça va pas marcher, ça aura pas d'effet. Pourquoi? Parce qu'il est hésitant, il a pas cette foi, cette certitude. Et dit, ou un autre, il va aller chez un voyant, chez le kahana, chez un devin, il va lui dire, est-ce que cette ruqya, est-ce que cet exorcisme va vraiment être bénéfique? Il dit, cette personne aussi, il ne va pas bénéficier de l'effet de cette lecture et de la protection. Pourquoi? Parce qu'il faut deux choses, il dit. Il faut que aussi bien le lecteur, il ait une foi forte, et aussi bien celui qui bénéficie de cette lecture, eh ben, ait une foi forte. C'est pour ça qu'on voit beaucoup aujourd'hui qui demandent une ruqya. Ils vont chez des imams, par exemple, ou des gens Mashallah, qu'ont de l'expérience et de la connaissance dans la ruqya. Donc, parfois, ils demandent de la ruqya, mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils vont pas être réceptifs. Et cette ruqya-là ne va pas être bénéfique pour eux. Pourquoi? Parce que eux-mêmes se sont négligés. Eux-mêmes ont négligé la foi. Certains ne prient même pas. Certains sont négligents de la prière, ne prient même pas. Certains, parfois, ne jeûnent même pas le mois du Ramadan. Et toute l'année, ils n'obéissent pas à Allah. Toute l'année, ils désobéissent à Allah. Ils sont dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on voit parfois, il y a des chefs de famille qui veulent que parfois Raqi vienne chez eux pour leur fille ou pour leur garçon. Mais celui-ci ou celle-ci ne prie même pas. Celle-ci ne connaît même pas son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Elle ne connaît pas, même pas les qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle ne sait même pas est-ce que cette lecture va réellement bénéfique. Elle n'a pas cette foi inébranlable. Alors ensuite, et parfois, ces gens-là sont même plongés dans les péchés, sont plongés dans les désobéissances à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ils veulent que cette ruqya soit bénéfique. Aussi bien, il faut que le lecteur aussi. Et parfois, c'est l'inverse. On a des frères de alhamdoulillah, ou bien des sœurs, qui appellent Raqi, qui ont besoin d'un Raqi. Raqi vient, ensuite il va lire, mais celui-ci lui-même, il n'a pas ce iman. Il n'a pas cette foi qu'il faut. Il n'a pas le tawhid, la connaissance du tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, vous avez vu, il fait un rappel sur les deux. Aussi bien le lecteur, le récitateur, aussi bien que celui qui reçoit cette lecture, pour qu'il bénéficie de cela, il ne faut pas douter. Et de même, à titre de rappel, l'invocation, c'est pareil. Lorsque vous invoquez Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas douter qu'Allah, jalla wa ala, va répondre à notre demande. Celui qui doute dès le départ qu'Allah, jalla wa ala, va exaucer ses demandes, qu'Allah va répondre favorablement à ses demandes, eh bien, déjà là, c'est une chose qui fait que sa demande peut-être ne va pas être exaucée. Pourquoi? Parce que pour l'exaucement de la demande, il faut al-yaqin, il faut la certitude. Lorsque vous implorez Allah, soyez certain qu'Allah va répondre à votre demande. Il faut qu'on soit certain, c'est même un rappel pour moi-même et pour nous tous, il faut qu'on soit certain qu'Allah réponde à notre demande. Si déjà on doute, alors là, c'est des causes pour qu'on n'ait pas cette réponse. Et à savoir qu'il faut toujours avoir un bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah jalla wa ala ne répond pas, c'est qu'il y a une sagesse immense et c'est qu'il y a un bien. Et s'il y a un bien pour nous, Allah jalla wa ala va accorder toutes ses demandes, toutes nos implorations, toutes nos demandes, Allah jalla wa ala les exauce. Donc il ne faut pas douter de cela. Donc si une personne, par exemple, est malade, si une personne est atteinte, est touchée par un mal occulte, alors si elle a recours à la ruqya, donc il faut qu'elle-même soit certaine que ça va marcher, bi-idhnillah. Faut certaine qu'Allah, jalla wa ala, entend. Et qu'Allah est celui qui protège, subhanahu wa ta'ala. D'où l'étude des noms d'Allah et des chapitres qu'on est en train d'étudier. Ça nous accorde de al-yaqin dans notre cœur. Et ça fait partie des causes pour que cela soit bénéfique et que cela marche et soit profitable. Voilà, c'était un... On va s'arrêter là. Inch'Allah. Et on continuera demain, Inch'Allah, dans l'explication de ce chapitre. Wallahu a'lam. Wa billahi at-tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.